Chapitre 10. Les deux frères étaient à ce point de rêverie quand ils furent distraits par un bruit de voix, un bruit de foule. En se penchant à la fenêtre qui donnait sur le jardin, le frère Siméon ne vit rien. Mais il laissa le frère Jérôme dans la bibliothèque. Il descendit et crut que des pèlerins, comme naguère, demandaient pour la nuit prochaine l'hospitalité du couvent. Ce n'était pas cela. C'était le village, pris de peur, et qui se réfugiait au couvent. Le portier refusait le passage et débattait le terrain, comme fit Léonidas autrefois dans le défilé que sa résistance a rendu célèbre. Une panique avait affolé le village, et les poltrons mettaient au service de leur timidité beaucoup de violence et d'effronterie. « Laissez entrer ces bonnes gens !» cria le frère Siméon. Le portier, faisant mine de s'écarter, on l'assomma. Il dégringola, on lui passa sur le corps. En peu d'instants, la foule fut dans le cloître. Le frère Siméon, que deux convers secondaient, releva le portier, le mena dans sa loge, l'étendit sur sa paillasse, vit que ses blessures n'étaient que bosses. Et il se rendait au cloître, mais il rencontra le prieur qui se trémoussait éperdument. Il lui dit « Les voilà vos prophéties !»« Je n'ai rien dit, répliqua le prieur, j'allais le dire. » Ainsi demanda le frère Siméon d'un ton narquois et bru « Ils ont trouvé ça tout seuls, sans vous ?» Le prieur sentit la moquerie et la repoussa. « Mais oui, frère Siméon, pour ne pas voir l'évidence, il n'y a que vous par opiniâtreté philosophique. »« Eh bien, répondit le frère Siméon, je consens à la fin du monde, puisque tout le monde la réclame. » »« Non, la devine. » »« La réclamer, la deviner, la consentir, autant de mots pour désigner une pareille vanité. » »« Aussi me verrez-vous dans l'incertitude, rangé à l'avis du peuple et d'un savant. J'éviterai de cette façon l'inconvénient de solitude, où il y a l'orgueil et tristesse, et un froid pire que la mort. » « Oui, répartit le prieur, mais qu'est-ce que nous allons faire de tous ces gens-là? Vous ne les avez pas pour longtemps? Pour 14 jours, bien comptés. » Le prieur compta sur ses doigts, en effet, les jours de répit que ses calculs laissaient au monde et infligeaient à son hospitalité. « Il faut, dit le frère Siméon, leur donner logement et nourriture. » « Peu, fit le prieur, avec un sublime sursaut de spiritualité. » « Je vous entends, répondit le frère Siméon, mais prenez garde que la faim ne les conduise à une extrémité. » Où ils se dévoreraient les uns les autres et ainsi prépareraient mal leur vie éternelle. Dans le cloître, les gens étaient blottis en plusieurs paquets d'épouvante, hommes, femmes et enfants. Lorsqu'arriva le frère Siméon parmi eux, un tel silence l'accueillit que toute sa pensée en fut malheureuse. On attendait qu'il annonçât les prochains phénomènes et le tracas des minutes dernières. Les regards étaient dirigés vers lui, tendus vers lui, avec une extraordinaire ardeur de curiosité. Les bouches étaient ouvertes et prêtes à pousser leurs cris de désespoir. Il eut pitié d'une angoisse qu'il ne saurait pas relâcher. Il s'approcha de l'un des groupes effarés, puis d'un autre. Il était surpris d'avoir, aux yeux de cette foule, un singulier prestige, et bien désolé d'être sans efficace. « Allons, murmurait-il d'un ton d'encouragement, qu'il aurait voulu rendre persuasif. Allons, allons !» Il n'osait dire ce que lui suggérait une complaisante bonté. « Allons, ce n'est rien !» D'ailleurs, il lui semblait que les paroles fussent en pure perte. Il croyait voir une bande d'oiseaux effarouchés que jette l'orage contre un mur sous le rebord du toit. Cependant, le silence l'interrogeait d'une façon qu'il ne pouvait se taire plus longtemps, et il dit « Mais quoi, vous ne doutiez pas de mourir ?» Cette remontrance ne fit d'abord que détendre le silence. Les mots ne valurent qu'ainsi et sans que leur signification pût aller promptement jusqu'à l'esprit de la multitude en émoi. Les mots ne furent que les gouttes d'eau qui, après le coup de tonnerre, commencent de rendre l'atmosphère plus fraîche, plus légère et facile à respirer. « Vos parents sont morts, Dieu et leurs âmes, » continua le frère Siméon. « Vous n'avez pas cru être, depuis Adam, les premiers qui seraient dispensés de mourir. Vous ne l'avez pas cru, n'est-ce pas ?» On l'écoutait, on ne lui répondait pas. Il eut l'idée de s'adresser à un bonhomme énormément vieux, qui appuyait sur deux cannes ses mains tremblantes, et il lui demanda « « Compère, le croyais-tu ?» Le bonhomme sourit avec un air de modestie un peu gêné, comme s'il avait conscience de durer plus qu'il n'est de coutume. « Seulement, reprit le frère Simon, tu n'y pensais pas, frivole ?» Et il lui posa gentiment la main sur l'épaule. « Voilà, vous n'y pensiez pas les uns et les autres. Dieu vous avertit à présent d'y penser. Bon avertissement. Et rien n'arrivera, mes petits, que ne l'ait permis la divine miséricorde. » Les gens étaient moins accablés, comme si l'étreinte de la peur se desserrait et laissait un peu de liberté à leur intelligence. « Allons, reprit le frère Siméon, soyez raisonnable. Je ne vous dis rien que vous ne sachiez depuis l'âge de raison. Rentrez chez vous. » Non, non, non, gémirent ou crièrent maintes voix. Et comme il était visible que chacun sentait l'étreinte de la peur se resserrer en lui, pareillement les groupes de gens se tassèrent. Le bonhomme, que le frère Siméon tout à l'heure avait interpellé, eut l'entrain de répondre. « Nous voulons rester ici jusqu'au dénouement. » « Bah, fit avec bonne humeur le frère Siméon. « Enfant que vous êtes, qui vous abritez comme d'une averse. Or, mes petits, ce n'est pas ça. Cette maison ne tiendra pas plus que les autres debout quand il n'y aura plus de sol et que toute matière sera dissoute. Puis le terme n'est point arrivé. Vous n'allez pas rester ainsi pendant... « Conduisez-nous à la chapelle, dit le bonhomme, et faites-nous réciter nos prières jusqu'à la fin. « Vous n'allez pas sans discontinuer prier pendant... « 14 jours, dit le prieur qui survint, 14 jours, autant de nuits. » Le frère Siméon eût mieux aimé que nulle date ne fût déclarée. Il aurait laissé l'incertitude, analogue à l'espérance, et qui convient à notre infirmité, tempérer la rude et âcre certitude, ainsi l'a voulu Dieu, probablement, qui nous impose l'assurance de mourir et nous préserve d'en connaître l'échéance. Mais à l'étonnement du frère Siméon, le délai que le prieur accordait à ses condamnés leur fit un grand plaisir. On les vit soudain comme délivrés. C'est qu'ils avaient senti la mort toute proche, et la mort s'éloignait un peu. Elle ne s'éloignait pas beaucoup et seulement différait sa menace. Il suffit d'un si bref écart, et la vie recommença de palpiter dans ces décombres d'humanité consternée. Il y eut même un élan physique et mental qui suscita cette matière inerte et qui la portait dehors, à l'air libre de la campagne, au labeur ou à l'insouciance. Il parut un instant que ces gens oubliaient leurs craintes, mais connaissaient le terme fixé, retournaient à l'illusion, du même cœur et avec la même naïveté que naguère. Les groupes déjà s'ébranlaient, et le frère Siméon se demanda si l'on avait bien entendu ce que disait le prieur, et qu'on n'agréait sans doute aucun pour ces 14 jours de répit. Fallait-il changer de sentiment, 14 jours, puis revenir au même désespoir? Enfant, songeait-il, au surplus, tant de puérilité a sauvé le monde jusqu'à ce jour, et le rendait un lieu agréable, une prison où les condamnés à mort étaient de gaie humeur, ou bien dissipés. Or, dans les groupes qui s'étaient ébranlés, la mésentente se manifesta. Certaines gens partaient d'un pas allègre. D'autres, qui d'abord avaient cru partir, demeuraient décidément, se rencognaient de nouveau, et l'espoir ne leur durait pas. Il y eut des familles que divisèrent les deux velléités. Ceux-ci essayaient de tirer dehors les affligés. Ceux-là tâchaient de retenir les étourdis. Ceux-ci et ceux-là usaient de douces paroles et de larmes douchantes, et si les paroles ni les larmes n'obtenaient l'obéissance, ils recouraient à quelque brutalité. On aurait dit d'un terrible débat de bien-aimés au bord des tombes, les uns voulant arracher leurs amis à la mort, les autres les y attirer. Les exhortations se mêlaient aux plaintes, et cela faisait une grande rumeur. Ce n'étaient point les jeunes qui s'en allaient gaillardement, ni les vieux qui restaient le plus volontiers. Il y avait dans les deux parties des jeunes et des vieux, des costauds et des invalides, des riches et des pauvres. Leurs conditions d'infortune ou de chance ne les distribuaient pas en deux parties. Mais, se disait le frère Siméon, ce qui les sépare n'est qu'une différente façon d'évaluer la durée de 14 jours. Après cela, comment s'étonner que l'éternité les effare? Quand fut achevée la séparation des uns et des autres, il ne resta dans le couvent que 3 quarterons de gens au désespoir, et parmi eux la plus cachée, la plus triste et silencieuse. Le frère Siméon découvrit à Cropeton, dans un coin, Michel.